François Morel, à vous. C'était le genre de femme qu'il ne fallait pas emmerder, à qui l'on ne faisait pas faire ce que l'on voulait, qui n'aurait jamais écouté les directives d'un directeur artistique, à qui l'on n'aurait jamais osé dire ce qu'elle devait chanter, comment elle devait se coiffer, s'habiller, remodeler son visage, composer son récital. C'était le genre de femme qui n'était pas facile, jamais complaisante, pas polie, pas commode, incapable de petitesse ou de compromission. C'était le genre de femme qui était libre. C'était le genre de femme qui chantait le féminisme avec force et passion, qui avait des convictions et qui, dès 1973, préparait le terrain du combat de Simone Veil en chantant « Non, non, tu n'as pas de nom ». C'était une personne de passion, de rire, de colère, de tristesse, de paroles, de musique, de chansons, exigeante, intransigeante, dont le portrait serait forcément incomplet si en le dressant on oubliait le mot « dignité ». C'était le genre d'artiste qui s'intéressait aux autres, qui allait les découvrir dans les petites salles, qui connaissait leur répertoire, sinon par cœur, au moins par le cœur. C'était le genre de chanteuse devant qui l'on devait soigner ses compliments. Non, elle n'était surtout pas un Brassens sans jupon, aurait-on dit de Brassens qu'il était une Sylvestre à caleçon. C'était le genre de chanteuse à qui l'on avait intérêt de ne pas dire qu'elle était du niveau de Léo Ferré. D'ailleurs, elle n'aimait pas Léo Ferré, même si c'était une habituée de son forum à Ivry. C'était le genre d'interprète qui ne supportait pas qu'on lui réclame ses chansons les plus connues. Comme une mère qui aurait tendance à préférer ses enfants moins avantagés par la nature, sous prétexte que sans doute ils avaient besoin de plus d'amour que les autres, elle préférait chanter ses chansons moins chanceuses. C'était le genre de femme dont le sourire était un cadeau. C'était le genre de femme qui avait ses fidélités. À Roger Riffard et à tous les autres, Bernard, Nathalie, Yves, Gérard, Romain, Juliette, Gauvin, à tant d'autres, à des lieux où on la recevait comme ce qu'elle était, une grande dame de la chanson française, qu'il ne fallait surtout pas considérer comme une grande dame de la chanson française. Au train-théâtre de Porte-les-Valences, au bain-douche de Lignières, au festival de Barjac, à Brioux, aux scènes du golfe de Vannes, où encore récemment elle chantait, à tant d'autres. C'était le genre d'artiste unique, enragé, blessé, dont les larmes n'étaient jamais de sensiblerie, dont le rire n'était jamais bas, que Juliette a joliment salué en tweetant « Au revoir sorcière ». C'était une chercheuse qui ne s'endormait jamais sur les lauriers de l'habileté, dont le projet encore récent était de tenter d'écrire des chansons plus courtes. C'était une chanteuse que l'on avait envie d'embrasser et qui mérite notre reconnaissance, une amie d'autrefois qui reste une amie de toujours, à qui l'on voudrait dire simplement dans un sourire « Merci, merci pour la tendresse ». Les amis d'autrefois, s'ils entendent ça, les amis du passé vont se rappeler. Et un immense merci à vous, François Morel, pour cet hommage à Anne Sylvestre.